8. Une fête à Auteuil. On était au milieu de l'été de 1838. Lucien habitait encore la rue de l'Ouest, mais chaque jour ce séjour était pour lui la source de nouvelles souffrances. Tout dans cette maison lui rappelait des souvenirs qu'il s'efforçait en vain d'étouffer. Il ne pouvait sortir de sa chambre sans se trouver face à face avec la porte de Berthe. Il ne pouvait ouvrir sa fenêtre sans voir le balcon de Berthe. Les vases ou les fleurs oubliées par la jeune fille et qui se desséchaient fanées, les arbres du Luxembourg, sa chambre même, tout était pour lui regret et souffrance. Il comprit qu'il y aurait de la folie à chercher à lutter contre cette puissance des souvenirs, et comme il voulait désormais se conserver fort pour les luttes de l'avenir, il donna congé et partit. Le pauvre artiste vint planter sa tente à Auteuil, loin des lieux habités autrefois par Berthe. Il espérait se reconquérir lui-même. L'art, se disait-il, est assez grand à lui seul pour occuper la pensée et le cœur d'un homme. N'a-t-il pas assez de peines amères, assez de jouissances infinies? La mission de l'artiste est sérieuse, sa vie est complète. À lui seul le travail, les espoirs enchantés, l'inspiration, le succès. À lui encore le doute de soi-même, le doute terrible et poignant, la fatigue, le découragement, la défaite. Devant lui un temple splendide, derrière un abîme sans fond. Dans cette imposante alternative, entre la gloire et l'oubli, y a-t-il donc place pour l'amour d'une femme? Et Lucien se souvenait pourtant. Il se secouait inutilement sa forte organisation morale. L'amour restait tenace, importun, invisible, invincible, caché dans un recoin de son cœur, comme le moucheron sous la crinière du lion de la fable, et plein de honte à chaque blessure de son ennemi. Lucien s'affaiblissait davantage. Il ne produisait plus. Ce n'était ni paresse, ni boutade maintenant. C'était épuisement, impuissance. Lucien, qui se croyait succomber lentement à cette lutte dégradante, cessa tout à coup de se torturer le cœur. Il accueillit bravement les souvenirs, et comme il voulait le repos à tout prix, sa volonté, si faible contre son cœur, l'emporta aisément dès qu'elle agit dans le sens de son amour. Il employa tout son génie à expliquer avantageusement la conduite de Berthe, et après quelques jours, son ancien respect pour la jeune fille était revenu. Au bout d'un mois, fortifiant sans cesse à plaisir sa crédulité volontaire, il en vint à se repentir sérieusement de ses soupçons. Ses promenades solitaires avaient recouvré leur charme. Il allait s'asseoir au fond de quelques fourrés bien épais du bois de Boulogne, et plaçant par la pensée sa maîtresse à ses côtés, il se perdait dans de longues rêveries, conversations mystiques pleines de douceur et de repos. Il revivait. Un soir, qu'il regagnait paisiblement son gîte, le hasard dirigea ses pas du côté de la grande avenue de Paris à Versailles. À 100 pas de la route, une grande et magnifique maison était illuminée. Des pots à fleurs, des verres de couleur brillaient au travers des arbres du parc. Tout le long de l'avenue, une immense file d'équipages s'étendait jusqu'au grand chemin. Lucien vivait en véritable anachorète dans sa solitude d'Auteuil. Il ne connaissait ni de visage, ni même de nom les personnes qui demeuraient dans son voisinage. Il demanda le nom du maître de cette habitation princière, et on lui répondit que c'était Monsieur de l'Étiole. Le père de Berthe ? Lucien jeta un coup d'œil avide à travers les arbres, et il vit le château qui resplendissait au fond comme un palais de fées. La fée de ce palais, c'était Berthe, il y avait bien longtemps qu'il ne l'avait vue. Il fut sur le point de franchir la grille du parc, mais heureusement il remarqua qu'il n'était pas précisément en tenue de bal. Il avait pour tout costume une blouse de chasse, une casquette et un pantalon de coutil, une cravate nouée négligemment autour du cou et des souliers d'artiste voyageur. Il s'arrêta et revint sur ses pas. Puis, tout en s'éloignant, il réfléchit. Il se dit d'abord que sa place n'était pas chez Mademoiselle de l'Étiole, que cependant les portes lui étaient ouvertes, qu'il ne connaissait pas Monsieur de l'Étiole, mais qu'il connaissait Berthe, et que la vue de la jeune fille lui serait singulièrement douce et bonne. Ces deux pensées se choquèrent dans son esprit, et il hésita grandement. Que devait-il faire? Entrer chez cet homme qui remuait des millions sous un nom d'emprunt, c'était équivoque. Mais aussi revoir Berthe. En rentrant, il mit bas son négligé de campagne et rassembla à grand peine ce qu'il fallait pour composer une tenue de bal. Sa garde-robe se trouvait dans un étrange désordre. Il fut plus de 2 heures à sa toilette et n'obtint qu'un demi-résultat. Cependant, la fête de M. de Létiol était à son apogée de splendeur. Berthe, secondée par Mademoiselle de Nogent, faisait les honneurs avec une aisance, une grâce parfaite. Elle n'avait que 17 ans pourtant, et quelques mois à peine s'étaient écoulés depuis qu'elle habitait une mansarde. C'était M. Michaud qui avait imaginé cette fête. L'associé de M. de Létiol avait atteint son but en partie. Il était gérant d'une société en commandite, mais la société, quelque séduisante et belle que fût la raison sociale Michaud et compagnie, n'avait pas encore pu trouver d'actionnaire. Or, une société sans actionnaire, se disait Michaud, c'est comme s'il n'y avait pas de société. Michaud se désolait. Il se creusait le cerveau pour inventer un moyen de pousser la confiance, et son cerveau vulgaire ne lui fournit qu'un expédient. Redoubler de luxe, éblouir les dupes, écraser les concurrents. M. de Létiol avait eu beau protester. À toutes ces représentations, Michaud, brutal et entêté, avait opposé son ultimatum. « Je le veux, marche mon bonhomme, sinon... » Et M. de Létiol avait cédé. C'est ainsi qu'après avoir donné nombre de fêtes ruineuses pendant le reste de l'hiver et le printemps, il avait loué depuis peu cette maison, située entre Passy et Auteuil, où il rassemblait toutes les semaines des gens qui n'avaient plus ni bonne volonté ni confiance. Le ménage Michaud et d'Anglade était loin de se présenter dans les termes convenables où nous l'avons vu. Les deux associés semblaient las l'un de l'autre, et tout faisait présumer que le divorce n'était pas très éloigné. Ils s'occupaient donc, en conséquence, de liquider, à leur façon, on s'entend. Le matin de ce jour, Michaud et d'Anglade avaient eu une longue et vive discussion à brûle-pourpoint. Au milieu des doléances hargneuses sur le méchant résultat de son entreprise, Michaud avait dit tout à coup « Pardieu, tu as une fille d'Anglade. »« Eh bien ?»« Eh bien, je m'entends, mon bonhomme. Il faut que mes actions soient placées. » M. de Létiol comprenait lui aussi parfaitement. Peut-être que, dans sa dépravation profonde, une idée analogue avait pu déjà traverser son cerveau. Cependant, présentée par Michaud, cette même idée l'effraya et le révolta. « Ma fille n'a rien à faire dans nos entreprises, » dit-il, d'un ton qu'il voulait rendre impérieux. « N'en parlons plus, je te prie. » « Et si je veux en parler, moi ?» dit Michaud. « Et justement, je le veux. Et j'en parlerai parce que... il faut que mes actions soient placées. » Létiol laissa échapper un geste de colère. « Bon, bon, mon fils, rage tant que tu voudras. Mais écoute, fit Michaud, ta fille est jolie. J'y avais bien pensé pour moi dans le temps. Pour toi ? Ça t'étonne ? Pas moi. Mais j'ai réfléchi, j'ai trouvé autre chose. Et ça vaut peut-être mieux. Tu sais de qui je veux parler. Un bon parti, ma foi. » Le jeune comte de Nogent qui la regarde avec des yeux à 60 000 livres de rente. Et que diable, mon fils, il faut bien que mes actions soient placées. Au nom de M. de Nogent, de Létiol s'était violemment retenu pour ne pas interrompre son associé. Celui-ci, qui s'en était aperçu, reprit après quelques instants de silence. « Et tiens, j'ai l'idée que l'affaire est en train. Le comte t'a parlé. À moi ? À qui donc ? Il ne faut pas mentir avec moi, tu sais. » Le comte t'a parlé, c'est bien. Lui as-tu promis ? Mais, oui ou non ? Fit durement Michaud. Non, répondit d'Anglade impatienté. Eh bien, je lui répondrai, moi. Que veux-tu dire ? Je m'entends. Mais je n'autorise nullement. Allons donc, tu as l'air de faire le dégoûté. Fichtre, une idée qui nous arrange tous les deux en même temps. C'est convenu. Tu seras le beau-père du comte et mes actions seront placées. D'Anglade se débattait. Mais Michaud avait toujours une menace en réserve, et il finit par céder encore. Le soir venu, Michaud se promena dans le bal avec une importance double, c'est-à-dire en comblant la mesure de l'impertinence. Du plus loin qu'il aperçut Aymar, il courut à lui et l'entraîna à l'écart. « Monsieur, lui dit-il sans autre préambule, vous n'avez pas de mes actions, c'est drôle. » Aymar le toisa avec dédain, et répondit du bout des lèvres, « Je m'appelle le comte de Nogent, monsieur. » Et n'ai pas l'honneur d'être industriel. Pardieu, répartit Michaud avec un juron tout autre, vous n'êtes pas ici le seul comte, monsieur de Nogent. Tenez, tenez. Et il lui montrait des têtes blanches dans la foule. Voici 10 comtes, 4 marquis et 1 duc, et tous ont de mes actions, monsieur. Vous avez raison, dit froidement Aymar en voulant s'éloigner. Mais Michaud était bien plus tenace que ne le croyait le jeune gentilhomme. Pardieu, je le vois bien, poursuivit Michaud, j'ai toujours raison. Et puis tenez, Il ne faut pas trop mépriser l'industrie quand on épouse la fille d'un industriel. L'argument était sans réplique. Monsieur de Nogent, qui avait pour principe de réfléchir le moins possible, ne s'y attendait pas, et fut un instant étonné. Michaud en profita pour reprendre aussitôt. « Nous parlons sérieusement ici, monsieur le comte. On traite les affaires au bal comme ailleurs. Monsieur de Létiole m'a chargé de ses intérêts dans cette circonstance, et si vous le voulez bien, nous allons discuter, je vous prie. » « Sur quoi ?» demanda Aymar avec un geste de hauteur. « Sur les conditions de votre mariage, » répondit empathiquement Michaud. Le comte se rapprocha. Michaud se prit à sourire en voyant ce mouvement. « Vous êtes riche, monsieur le comte, » dit-il avec un ton d'assurance, qui ne lui m'essayait pas absolument. « J'ai 30 000 livres de rente, » interrompit Aymar. « Cela fait 1 000 000 réalisable. Je ne compte pas réaliser. Peut-être. » « Monsieur de Létiole veut un gendre dans l'industrie, c'est une condition sine qua non. » Aymar réfléchit quelques instants. Sans aucune expérience des affaires, il n'avait pas l'ombre d'un doute sur la fortune de Monsieur de Létiole. Seulement sa fierté se révoltait à l'idée de se faire industriel. « Monsieur, dit-il, je parlerai à Monsieur de Létiole lui-même. C'est inutile, d'ailleurs, je vois que vous me comprenez mal. Votre nom resterait complètement en dehors, seulement... « Seulement ?» fit Aymar. « Seulement, » répondit Michaud avec sang-froid, « vous prendriez pour 1 000 000 d'actions. »« 1 000 000 !» dit encore le gentilhomme. « Monsieur le comte répugne donc bien à gagner de l'argent ?» insinua Michaud avec un plomb. Aymar aimait aussi sincèrement et fortement qu'il pouvait le faire. Dans son ignorance louable, mais dangereuse, il se demanda quelle différence pouvait exister pour lui entre recevoir des fermages ou recevoir des intérêts et des dividendes. Il promit. Mais comme fut-on triplement étourdi, on ne peut bouleverser ainsi sa fortune, sans y penser quelque peu. Aymar, au lieu de rester dans le bal, descendit au jardin encore solitaire et s'enfonça sous un massif, tandis que Michaud, triomphant, rendu fou par ce succès inespéré, s'enfuit dans une salle de jeu où, pendant 6 heures de la nuit, il perdit billet sur billet, sans que le sourire quittât un instant ses lèvres. Aymar était singulièrement agité. Ce que Michaud lui avait dit ouvrait un nouvel avenir. Il n'avait jamais encore songé à se marier, mais il aimait Berthe, et cette idée lui fut certainement venue tôt ou tard. Le jeune comte errait, indécis et rêveur, à travers les allées pleines d'ombre du jardin, lorsqu'il se sentit heurté par un homme qui marchait tête baissée et qui continuait sa route, sans paraître s'apercevoir de la rencontre. Le comte poussa un cri. Il avait cru reconnaître cet homme, et il s'élança à sa poursuite. « Lucien, dit-il, Lucien chez Monsieur de Létiole. » Lucien s'était retourné au cri poussé par Aymar, mais après avoir jeté un regard distrait sur le comte, il avait disparu dans une allée transversale. Il n'en fallut pas davantage à Monsieur de Nogent pour oublier parfaitement sa conversation avec Michaud, son million réalisable. « Lucien, Lucien » cria-t-il joyeusement en s'élançant à sa poursuite. Monsieur de Nogent était un de ces hommes et chevaleresques natures comme on en rencontre encore quelques-unes par-ci, par-là, dans notre pauvre monde égoïste. Il avait été très contrarié d'avoir perdu Lucien de vue, et s'il n'en avait pas été détourné, par les préoccupations de son amour pour Berthe, il eût cherché à retrouver le jeune statuaire. Une conversation avec Monsieur de Nogent ne souriait guère à Lucien, mais comme il vit qu'il ne pouvait plus l'éviter, il s'arrêta. « Eh, très cher, attendez-moi donc, » dit le comte dès qu'il l'eut atteint. « D'abord, je suis enchanté de vous revoir. Vous me devez une réparation, vous savez. Vous m'avez fort mal reçu dans votre atelier. »« Monsieur de Nogent, » interrompit Lucien en s'inclinant gravement, « je vous prie d'accepter mes excuses. »« Ma foi, Bressan, je ne vous en demande pas tant, » dit Aymar, en serrant cordialement la main de l'artiste. « Je vous crois un peu fou, sans compliment. »« Vous avez raison, n'est-ce pas ? Et puis, cette statuette était jolie. » « Ne parlons plus de cela, voulez-vous ? » dit Lucien vivement. « Ma foi, je veux bien !» s'écria Aymar, dont toute la bonne humeur était revenue. Mais comme si ces quelques mots l'eussent mis sur la voie d'une idée depuis longtemps oubliée, il s'arrêta. Cette ressemblance tant cherchée qu'il l'avait frappée à la première vue de Berthe, cette ressemblance qui avait commencé son amour pour Berthe, il venait de la trouver. Berthe, c'était la statuette voilée. Il devint grave et sérieux. « Diable !» se dit-il en se parlant à lui-même. « Voilà qui est étonnant !» Et il se demanda avec anxiété, avec trouble, comment il avait pu se faire que Lucien eût rencontré une ressemblance si parfaite. Lucien connaissait-il donc Berthe? N'y avait-il pas là un mystère bon à approfondir? Nos gens respectaient trop et l'amour qu'ils ressentaient pour Berthe et l'amitié qu'il éprouvait pour Lucien, pour se décider à accuser ni l'une ni l'autre. Et cependant, maintenant qu'il se la rappelait, comme au premier jour, cette ressemblance était inouïe. Et Lucien venait chez M. de l'Étiole. « Lucien, dit-il à l'artiste d'une voix qui ne tremblait pas, y a-t-il longtemps que vous connaissez M. de l'Étiole ?» La question naturelle dans les cours d'idées d'Aymar devenait naïve ou impertinente par circonstance. Mais Lucien n'y prit pas garde. Il répondit affirmativement d'un air distrait. « Ma foi, je m'en doutais, reprit Aymar. Et sa fille ?»« Berthe, dit Lucien en tressaillant. » Puis se reprenant aussitôt. « Mademoiselle de l'Étiole, ajouta-t-il, pourquoi cette question, s'il vous plaît ?» Il remarquait enfin l'étrange inopportunité de ces questions. Mais M. de Nogent tout entier à son idée fixe était à 100 lieues de sentir sa faute. « Très cher, dit-il, c'est qu'elle lui ressemblait. »« Assez, gronda Lucien. »« Bon, allez-vous recommencer ?» dit le comte en reculant involontairement. Lucien tourna le dos. « Mon cher, dit Aymar franchement, c'est un service que je vous demande. Ce n'est pas un enfantillage, voyez-vous. Je vais l'épouser. »« Qui ?» demanda Lucien avec violence. « Eh, mademoiselle de l'Étiole !» Lucien baissa la tête sans répondre un seul mot. Aymar continua. « Et vous comprenez, la statuette était fort jolie, mais il m'importe que nul ne sache. »« Ce n'était pas elle, dit Lucien avec calme. » Et dégageant sa main de l'étreinte du jeune comte, il s'éloigna rapidement, sans que ce dernier cherchât cette fois à le retenir davantage.